Grand Fiombi Vision. Apporter notre expérience professionnelle pour un Congo désaverti. Point 1. Politique. Lutter contre la mauvaise gouvernance, la corruption, les népotismes, les antivaleurs et les régionalismes. Grand Fiombi Vision. Point 2. Académique. Identifier les meilleurs étudiants pour de bourses d'études traduits en Asie. Inviter nos collègues professeurs pour de cours en ligne. Point 3. Professionnel. Aider les ONG congolais à avoir un accès aux donateurs internationaux. Comment fonder une ONG? Comment et où solliciter un financement de projet? Point 4. Formation. Identification et formation des défenseurs des droits de l'homme. Formation de 2 à 8 semaines en Corée du Sud ou en Thaïlande pour le moment. Prof Yombi Vision. Oui, merci beaucoup. La technique, merci pour la bandeko oyo vous allez connecter en ce moment. Vous allez chaîne Nabiso, ndenge na prometaki, na komaki yango na poste dans la Facebook. Nous avons décidé parce que ba live Nabiso, ba message Nabiso, contribution Nabiso, na ce qui se passe na mboka Nabiso ezalaka mingi na na Facebook. Et nous avons remarqué que avec Facebook, assurance, il y a sauvegarde, il y a données na biso ezali vraiment malamté. Donc na moment nyonso tokoyi ko perdre yango. Alors nous avons décidé de passer sur YouTube pour que to garder archive na biso. Parce que ce qui un des points où yo ezaliko nazaliko remarqué que chez nous tozali na culture ya archive te. Vous allez voir par exemple le massacre où ezaliko le kanambo kanabiso ezali documenté te. Alors avec une chaîne YouTube nous pouvons garder ce que nous disons, ce que nous faisons pour aider biso na vie na biso future. Parce que même si vous conduisez, ce que vous êtes à la rétroviseur na yote, vous allez chauffer moko ya mabe. Alors, nous avons décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube juste pour na ba live na biso. Mais aujourd'hui, na ye juste pour lancer, inaugurer cette chaîne. Et puis vous donner les détails et le koni to banda ko lobela na chaîne na biso oyo ya YouTube. Donc comme vous le voyez, chaîne na biso ezali YouTube Prof Yombi Vision. YouTube Prof Yombi Vision. Donc ce qui okoyi ko lukango na outil de recherche /Yombi Prof Yombi Vision. Donc professeur T Prof Yombi Vision. Donc prof en abrégé Yombi Vision. Et bon manako zoabiso na ba live na biso. Alors aujourd'hui nous sommes venus juste pour expliquer pourquoi nous avons décidé d'ouvrir cette chaîne. Et qu'est-ce qui sera de bâti na kati ya chaîne na biso? Nazwi ba question moi ebele ya ba ndeko mususu bazali kotuna biso est-ce que ekozala kaka ba video ya ndenge osalaka na Facebook? Est-ce que ekozala ndenge nini? Non, nous pensons que chaîne na biso ekozala na moi makambo ebele na kati. Et restez calme, il y a un mot pour tout expliquer. Mais avant la côte en détail, na expliquer chaîne Nabiso et Banako Lobelanini, na lingi na meka un peu pour anticiper ba équivoque pour ekoki ko ya. Et d'ailleurs, na outa ko sala moi /moko na Na Facebook, j'ai déjà vu deux personnes. Ah, bino nyonso komi na Facebook, na YouTube, parce que YouTube bazo fouta mbongo. Bon, écoutez, nazali ngai, nazali yobi, ezali ngai te oyo na koki ko koza na intention ko fungula chaîne ya YouTube pona kozwa mbongo. Et d'ailleurs, mbongo oyo il semblerait parce que na sala ngo na te bana biso baza na bachaîne na bango, mbongo oyo YouTube apesaka ezali mbongo te moto akoki kovivre nango. Donc ezali mbongo te moto akosoma, même carburant ekoka te. Vous comprenez? Donc YouTube ezali ndenge moko na Facebook, ezali outil tozali ko batie na disposition na biso pour que tomeka ko se communiquer, tomeka ko kosolola makambo oyo bato baza nango dans les sociales. Alors, et il y a une question qui m'a été posée. Ce qui au sali chaîne na yo, ce qui YouTube a pêché yo mbongo, au tchambongo na wapi. Ce n'est pas une question. Hein. Je pense que pour na biso, pour ça là tout, pour que ce qui va pêcher biso même un dollar ou un euro, toko moyen, kotinda yango na bana na biso bazali na Congo, bana na biso bazali ko souffrir, to meka ko kotinde la bango. Parce que nous savons que même na bamboka to vandi 1 euro ou 1 dollar, ça ne représente rien. Mais na niveau ya Congo, batu bazo vivre na se ya 1 dollar. Alors ceux qui a joué 1 dollar na jour moko, ba prière et ba banda banda tongo tu pourquoi pour remercier Dieu n'a dit pas payer 1 dollar wana. Donc tout pour discuter en gros après nous pensons que na kolobela ngona na détail elle n'a pas expliquer pourquoi ma vision ya chaîne biso et n'a pas expliquer comment est-ce que tu remets à ko ko contribuer moké na kapozo de kanapo kana biso. Et avant na ke na détail tikana no na mekako expliquer ngai moko nazali nani, parce que na lobela ngo souvent et je l'ai dit na première vidéo na ngai na tango na bimaki na mekaki ko sala un peu pour m'introduire ngai moko, donc pour me présenter ngai moko. Et, mais par la suite bandeko oyo bazali ko s'opposer na biso ba monaki présentation wana mabe. Mais mutu avant comprendre ye, avant comprendre vision na ye, il faut ye ba ye azali nani. Chez nous na mboka na biso bato mingi basalaka oyo babengaka critique historique te. Critique historique ezali ko aider biso pona ko comprendre mutu oyo ozolanda azali nani. Même nos étudiants souvent soki opesi bango ba matériel ya kotanga ba livre par exemple, souvent les étudiants sautent directement na lecture. Ba étudiants ba yebaka te koyeba kotuna qui a écrit ce livre. Et moto a commis livre oyo na matière azo traité. Lien ezanini. Donc yango abengi critique historique. Il faut koyeba nani a commis. Et wana ba benga ngo na anglais pour déterminer le standing point. Standing point, ça veut dire que place moutoua na télémédie. Parce que lelo, batou ebele ndenge, par exemple, batou msonde ba moni ya Prof Yombi Sikoyo, et directement, bazo mona ke, ah, ye a ye pou na kwa atake gouvernement. Ye a ye pou na kwa atake. Voilà, donc c'est ça le standing point. Donc avant de comprendre une personne, lugana no ye ba standing point ya moutouana, et par la suite, ou ya vous comprendre yé. Par la suite, ou ça la comparaison na ba auteur moussous ou yo zotanga, ce qui concerne batou batanga ka batanga ba livre. Donc, ou sauté mbala mokote, na lecture ya ba page, na livre na yo, mais il faut yé ba auteur ou ana, donc, ou situé yé. Moutou ana par rapport ya matière ou yo, a zotelema et sikanini. Vous comprenez? Donc, nazali yombi, donnant, nazali congolais, 100% congolais, et je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo, j'ai commencé mes études universitaires, primaires, secondaires, universitaires au Congo, et puis je me suis retrouvé, suite na situation ya mboka na biso, je me suis retrouvé na mboka ya Corée du Sud. Na mboka Corée du Sud, ndenge bato nyonso ba paya nyonso bakendaka na mboka, et idée na ngai ezalaki que nazwa musala na bureau, parce que je travaillais déjà au Congo. Nazwa musala na bureau, or ezalaki illusion. Batunyo so bazali banda na diaspora bayebi de quoi je parle. Na er na kei koluka musala, batuni ngai d'abord, er ba moni poso na ngai, reception d'abord ezalaki timide, et batuni ngai soki nazali américain. Na lobaki nazali américain te, nazali congolais. Bayebaki te Congo eza wapi. Et bazo tatone Congo, Hong Kong, abi non, Hong Kong te Congo. Congo eza wapi. En Amérique, non, ils sont en Amérique, ils sont en Afrique. Dès qu'on lobby en Afrique, on a déjà na body language. Et l'on a changé, comme il y a donc, à ce temps-là, avec méfiance, à ce temps-là, peut-être vous êtes sale. Et réponse, c'est là qui est automatique que vous allez na place. Vous allez na place. Ma place, nous, on demande au Tangawa. Non, na tanga na Congo, eh bien, non. En Afrique, il n'y a pas d'université. En Afrique, université est alors, si on me dit qu'on discute, bah, qu'on liste, il y a classement, il y a bah, top université dans le monde. Et, bah, qu'on rien, bah, ça, là, en Amérique. Ceux qui ont discuté que non, je suis diplômé, n'a pas qu'on a besoin de Congo, université est allée, bah, qu'on va poser la liste, il y a bah, top université dans le monde. Bah, qu'on l'accès, la qui s'abisse, parmi, par exemple, les 200 top universités dans le monde. La qui s'abisse une université ya Congo. Ezate. Bah, voyez, bisa yo, bon, même na 200, et toke na 500 top université na monde. La qui s'abisse une université moko ya Congo. Ezate. Bon, problème, ezate. To longa na 500, toke na 1000 top université na monde. La qui s'abisse une université ya Congo. Ezate. Alors, vous comprenez que, argument on a déjà vous affaibli, et moi yo continue discussion, ezate. Mais, biso moko ba Congolais, biso moko ba Africain, toyebi que na bamboka na biso moins il y a quand même ba université bien que ba gouvernement zo s'occupe na côté. Alors comme ba boya ki diplôme na ngai parce que je venais de l'Afrique, je venais du Congo, il y a pas d'une université top parmi les 500, parmi les 1000, parmi les 200, je me suis décidé na zonga na université na Corée. Alors les temps wana na sala ki je pris au moins 8 ans, je ne faisais que kotanga. Na zui master ya na sciences économiques, économie appliquée. Après, na yo continue sous na yo zwa master sous na droit de l'homme, ONG, donc organisation non gouvernementale, droit de l'homme. C'est-à-dire que, bah, organisation, ya défense, ya droit de l'homme. Alors, je me suis spécialisé kuna na fonctionnement ya ba ONG, ya ba organisation non gouvernementale. Et puis, na défense, il y a droits humains. Alors, pour ça, nangai zalaki na continué carrière nangai na luka moyen na koma un enseignant. Alors, je me suis inscrit na mboka Canada pour natanga na sala doctorat nangai. Et je me suis lancé juste na science politique spécialisé na relations internationales. Et focus nangai, donc champ de recherche nangai, ezalaki migrants forcés, donc le réfugié. Et voilà donc comment nayaki par la suite ozwa musala na mboka Corée en tant que professeur. Nazwaki musala en tant que professeur à l'université moko, et bien avant cela, j'étais toujours présent à ba média coréen. Et en tant que nazu musala, ils allaient qui télévisé partout, na ba télévision dans sa Corée, ils ont parlé de moi. Non, Mutuana Bulandaka a commis professeur à l'université. Et par la suite, na iko zo musala musu na université musu. Mais moi conflit kota ki na kaki parce que na loi académique ya éducation na Corée, un professeur a koyi ko za na ba contrat mi balété na ba université différente. Donc professeur full, aux années full na université A. Aux alipes full na université B. Donc, na loi ya Corée, ma kokiko ministère ya éducation, ma kokiko accepté yote. Alors, voilà, une des universités, na zali professeur full, et une autre université nationale, nazali professeur visiteur. Et par la suite, naaki ko koma ko melancé naba organisation pour la défense de réfugiés, nabandaki na local na mboka Corée. J'ai travaillé na ONG Mibale, Misato, et par la suite j'ai co-créé, à part organisation, par organisation Misato na Corée, Oyo Nazala co-fondateur. Les restes d'organisation, et ONG Nyon sa défense y'a ba réfugiés, les alliés 13 Sikoyo, j'ai été cofondateur. Sauf qu'il y a un statut, pour moi, il y a un cofondateur, le nom de Yombi est là. Et na Longowana, na commune à niveau sous-régional, na Asie de l'Est, donc Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong, Mongolie, na komaki président d'une organisation aux alliés internationaux, mais à niveau régional. Na Longwekuna, bah, il y a voté vice-président. Il y a sept organisations au niveau international. Nassala qui le colla vice-président pendant au moins 3 ans. Après, bah, il y a que voté il a commis président. Donc, depuis 2012, Nassala qui président, il y a l'organisation OYO, jusque en 2019. Et pour vous comprendre, moi, cheminement, il y a raisonnement dans Nathan, on a commis président de l'organisation OYO. On a coûté qui la caisse de l'organisation 20 000 dollars. Donc, actif, on a 20 000 dollars. Et on a quand même qui passe à l'organisation internationale. Mais comment est-ce que la caisse 20 000 dollars? Alors, on a mobilisé qui équipe, j'ai nommé ma équipe pour que tout maximiser quand même ma voix. Actif, il y a organisation. Donc, en 2019, j'ai quitté cette organisation en tant que président, parce qu'elle est toujours actif. J'ai laissé cette organisation avec 2 342 000 dollars. Vous comprenez? Donc, Nazuyango, dans 20 000 dollars, j'ai laissé l'organisation avec 2 342 000 dollars. Donc, vous comprenez, Moussala Oulo Toussali. Alors, na quatre organisations, na Yekozwa, Salam Soussou, na HR, au commissariat pour les réfugiés, en tant que consultant. Et d'ailleurs, là, j'ai commencé depuis 2010. Nazala, toujours consultant, na HR, au commissariat pour les réfugiés, na Genève. Alors, na Moussala Moussou na Ekozwa, na niveau ya ONU na New York, stakeholder, Oyobarobaka, non-governmental liaison service. Ça signifie quoi? Na ONU, ONU ezali ba état, ba pays. Alors, ONU à un moment donné, ba yeko remarqué que kaka ba état, ba pays, ba tbazo décider pour na makambo ya monde. Et société civile peut basaler na place mais ba ben na kabangote. Alors on y va décider va créer une structure pour la société civile. Société civile wana à tout moment s'il y a un problème na on y va se débattre, il faut peut voir la société civile ezala. Mais société civile banane parce que le pays basa au moins 200. C'est facile chaque pays basa la représenter na on y. Mais la société civile, bah, ça combien? Imaginez-vous, bah, ONG dans le monde, ils allaient plus de 30 millions. Il y a bah, ONG dans le monde. Alors, Tobing Sabatunyoso, non. Bah, ça, les structures, il y a 9 personnes. Oh, bah, Bandakozala, élu chaque 2 ans. Alors, les 9 personnes, à Moussala, ceux qui ont ni, bah, ils ont besoin. Il y a, bah, ils ont réunion, moko, bah, ils ont sujet, moko, de débattre. Par exemple, pandémie, oh, il y a corona. Bah, État va reprendre sa position là-bas. Mais société civile peut pas reprendre sa position là-bas. Société civile va regarder, va lancer appel à la société civile. Société civile va passer candidature na ONU pour baya pour le mela makambo. Alors, bah, dossier en annonce va continuer dans mon groupe OYO, il y a 9 personnes. Groupe OYO va poni, va candidat OYO va koya pour le mela ONU. Ce que ONU a le but, on a besoin, il y a 2 la société civile, 2 baroya. Ce que Barobito en a besoin, il y a 5, 5 baroya. Imaginez-vous, dans bah, 30 millions, il y a bah, ONG. Ce que Barobito, il y en a 2 personnes. Batounio, ce n'est pas une candidature. Vous avez un tour, vous avez un tour, vous avez un tour, vous avez un tour, vous avez un tour, vous avez un tour, vous avez un tour, vous avez un meilleur candidat. Et Ngamoro, d'ailleurs, Nazara qui un de témoins, parce que na 2015, Natango Oni, Bazo Lobela Makambu ya loi sur les réfugiés, pacte mondial des réfugiés, na pacte mondial de migrants travailleurs, et à Obama Summit, et on a Obama Nazara qui président, bah, lança qui appelle la société civile Bayakoulouba. Alors, société civile va voter qui ngaï, na kenekoloba na tribune des Nations Unies, en ce qui concerne le réfugié. Pour Nangaï, vision Nangaï, plan Nangaï, pour protéger les réfugiés. Donc, on m'a invité à la tribune des Nations Unies à deux reprises pour cette loi. Heureusement, loi on a et passé qui, année passée, dans le mois de décembre. Voilà, donc, voilà juste introduction pour vous voyez. Et j'ai travaillé pour le monde, pour l'ONU, parce que chaque 3 mois, Nazali toujours dans New York, dans l'ONU. Chaque 3 mois. Et er moko des urgences et ali. Urgence, ce qui matière moko, urgence et ali, n'a aucun déconnant. Et vous allez voir ma photo, mon sous-saut, vous allez na site Nabiso, peut-être CIMA, technique, va lancer ma photo. Anna. Vous allez voir, vous allez dans la tribune des Nations Unies pour na discuter sur Makambu Monde. Et vision Nabiso, sur base, il y a Mboka. Ngai na bandaki na vision ya ko aider le monde comme na outil ko détaillé na niveau ya ONI j'ai aidé beaucoup de personnes j'ai aidé beaucoup de lois pour Eleka ba loi sur le réfugié et d'ailleurs je fais venir ba africain ébélé il y a une congolaise une maman qui travaille pour la défense il y a ba femme violée na est à Burkina Faso je le fais inviter na tribune ya Nations Unies voilà photo na bozomona ezali na kati ya tribune ya Nations Unies. Voilà. Merci beaucoup, technique. Et je vais inviter une Congolaise pour qu'elle parle sur bah, viol au réseau les Kanambo Kanabiso. Et cela qui vraiment choix mon koyamalam parce que bah, membre de l'Union des Nations Unies, bah, c'est là qui na speech, na discours, il y a cette dame congolaise. Et on l'a fait d'abord. Dengue na outa ikoloba que les 9 personnes au Tanzanie, j'ai commencé depuis 2014. Jusqu'à présent, Nasa a toujours voté. Chaque 2 ans, Nasa a toujours voté dans team ou dans 9 personnes. Des Africains, tous allés m'y balayer. Ngaï, avec un collègue qui est professeur aussi dans l'université de Lagos, dans le Nigeria. Et tous allés dans français, tous allés dans français moko, tous allés dans canadien moko, tous allés dans américain moko, tous allés dans russe moko, tous allés dans chinois moko, tous allés dans australien moko. Voilà cette photo n'a besoin mon Isali na carte ya Nations Unies tozali ko discuter besoin mon a o ba yebi makama Nations Unies ba yebi bo yebi banani bana to vandi na bango voilà donc Nzambe a ida kapiso pour que nous a to maintenir place wana alors na niveau wana Isali tie que o ye parce que ba yebi yo kuna ba Congolais bazate kuna ba ndeko na ngai ya tribu moko baza te donc ezali bato yo bazo juger yo sur base ya mosala na yo voilà alors vision ya koyede monde na wuti kosala yango banda kala ça fait 17 ans que je travaille pour le monde bien que na kati wana ba Congolais pe bakotaka na kati ya ba aide na biso to apportaka chez les réfugiés mais la plupart ya ba bénéficiaires ya ba aide na biso ezali bato mingi ya monde. Alors, si vous avez décidé que de tourner vers Mbokanabiso, Mbokanabiso est allé dans le problème Makasi. Et dans l'ingi, Awatolongwana, non, n'a pas discours partisan. Non, groupe Boye, non. Awa Nazokoloba, le Kola, Congolais. Et je m'adresse aux Congolais. Ce qui est qui na générique, n'a pas que Tozo a apporté expérience Nabiso professionnelle. Pour un Congo désaverti. Vous remarquez que bande konabiso mingi ba information mingi ezo échappé bango, ba droit na bango bazali koyeba ba yangote ou ba droit na bango ezali respecté. Alors, biso tozali koya na expertise na biso. On ne dit pas que tozo ki na Congo koluka mosala, non. Moi personnellement, je travaille à l'extérieur. Donc bien que nazali na extérieur na koki kozala pe impliqué na intérieur sur ba action na ngai. Et ba vision na biso disons ezali axé na pour le moment na 3 parties. première partie est allée vision politique, deuxième partie est allée vision académique parce qu'elle est allée enseignant, troisième vision est allée vision professionnelle. Alors, la vision politique. Vous voyez que dans le cannabiso, banda mbo cannabiso et comment banda mbo tout disons. Tozali na problème moko ya gouvernance. Vous allez remarquer que Batunio sur le monde Nio sur la zone du Congo ezali mboka béni. Congo ezali na ba ressources nyonso. Ba ressources naturelles nyonso. Ba ressources humaines. Mais mboka oyo ezali béni na ba ressources wana nyonso ezali mboka moko oyo ezali na ba lacunes ya gouverner mboka na biso. Alors, il faut maintenant tout identifier pourquoi mboka na biso n'a pas potentialité nyonso tozana. Pourquoi tozali pourquoi pour gouverner mboka na biso? Même si ozali na ba ressources nyonso ozali na mbongo ebele na ndako na yo na famille na yo, soki boyebi ko gérer mbongo wana te. Okwanvie même 10 dollars d'impôts. Ozali na ba million ebele. Suite ya gestion na yo, soki omoni un pauvre na 100 dollars, na 1000 dollars, yo riche, okwanvie yango. Parce que le pauvre avec le peu o azanango, 1000 dollars o azanango, azo s'organiser malam. Azali ko vivre moi malam. Mais yo na ba million o azanango, ozo koka ko gérer yango te. Okwanvie 1000 dollars ya. Okoma jaloux de ce pauvre là. Vous comprenez? C'est pareil avec les Congo. Congo n'a pas potentialité nyoso, n'a pas ressources naturelles nyoso tozanango, mais au niveau il y a personnel, au niveau il y a ressources humaines, il y a un problème. Problème wana mingi mingi ezo se manifester na oyo ba bengi gouvernance. Bato oyo tozali ko tia po ba gouverner biso, bazali ko gérer ba ressources na biso malamu te. Bazo gérer pour na bénéfice na bango moko personnel, pour na bénéfice na bango privé, pour na ba famille na bango, pour na ba ami na bango. Donc, vision ya liboso sur le plan politique au tozali nango, comme quand un peu conscientiser les Congolais pour baye babaz à la former dans ce qu'on appelle bonne gouvernance. Tout l'idée na mo oyo ezali ko ronger biso. Il y a mauvaise gouvernance. Ceux qui va gérer au place ou pardon, ceux qui va placer au quelque part, vous êtes les serviteurs. Au quelle place on a été pour se servir? Vous allez serviteurs. Alors, les serviteurs, quand ils viennent, ils ne viennent pas pour accommoder, à s'enrichir. Non, les serviteurs viennent pour servir. Les serviteurs viennent, ils vivent avec son salaire. Et pas Nabissou. Mauvaise gouvernance, et soutenir que, bah, serviteur, soi-disant serviteur, autre aux alicotiens, bah, zoya pour, bah, se servir, bah, s'enrichir. Bah, s'enrichir, excusez-moi. Donc, vision, y a liboso, on a sur le plan politique, toko l'été pour que, Congolais nyonso, aye bah, cahier de charge, y a bah, autorité, autre aux alicot placé. Bah, aye bah, cahier de charge d'un président, et zali, nini. Président Moussala na ye zali nini. Président salaire na ye zali combien. Parce que ezali tabou et pas nabiso, pour n'envoyer ba salaire ya président. Mais non. Salaire à président. Président Azali, moutou ou ou placer place wana, il est payé par la fonction publique. Alors, il faut toye ba salaire na ye ezali combien. On nous laisse dans le flou. Vous verrez que moutou ou aye a commis président, en commençant par Mobutu. Moutou aye a commis président. Bato ba yebi salaire na yete, era koma ki président, mbongo na ye ayaki nango, mbongo na ye avant koma président, c'était combien? Et era si moussala na ye, abimi na mbongo combien? Donc ba épargne na ye a salaire na ye, abimi nango combien? To yebite. Alors vous allez voir quelqu'un qui rentre avec rien na poche na ye, mais azo bima milliardaire. Donc, les années problèmes, il y a conscience, na biso ba congolais, toye ba, ba droit na biso, ba devoir na biso, pour na ko lutter contre, mauvaise gouvernance, oyo tozali ko vivre na mboka na biso. Alors, deuxième point, na plan politique, les années corruption. Boyebi yango, c'est depuis longtemps, depuis Mobutu. Nous pensons que Mobutu Oyazala qui serait na niveau ya présidence. Et Zali Kassavubu. Kassavubu sortait quand il rentrait. À chaque fois, ceux qui a voyagé à Zongi, Mbongo, ba frais d'émission na ye, oye tikali, na oua dépensé, akoya na rapport. J'ai consommé ceci, pour na eloko boye, Mbongo, bo pesa ki ezalaki monta boye, Mbongo e Zongi monta. À part Kassavubu, Moussou Sazate. On a vu Félix, juste le premier voyage na ye, Mbongo, ba pesa ki a bimi na ho, a yeko Zongi sa Moussou. Toyebite oya dépensa ki a dépensa ki na nini et oye tikalaki e zongaki. Mbala moko kaka esili rapport wana e yaka susute. Alors, corruption ezali partout. Ko banda mutu ya se oya zo kombola. Okomona na kati ya bureau public, mutu oya zo kombola ba salle mususu ba bureau mususu ezali salite. Batu ba travailleurs bazoya ko benga ye yako kombola bureau na ngai za salite, yako lombola kube za salite. Ah, il faut finaler moi quelque chose pour atika ba bureau msusu, pardon, akende na bureau na yo. Alors, corruption ezali partout. Comment faut-il que conscientiser ba Congolais sur ces notions ya lutter contre corruption? Tozali na bande na biso na ba mboka o tozali ko vivre na ba commission contre la corruption, tozui déjà ba contact na bango. Pour que ba aide biso ba aide biso koleka kana chaîne na biso awa pour na expliquer comment est-ce que litwana contre la corruption ezali effective na mboka na ba na ko pesa bino exemple na mboka ya Corée sikoyo boko mona ba jeune mingi bazo chômer les sous -soudé. Ba étudiant bazo chômer les sous -soudé. Ezali na groupe siko c'est tout le monde qui s'implique dans le sens que gouvernement coréen a che budget a che programme il y a lutter contre la corruption dans sens né citoyen nyonso oyo amoni quelque chose mouvement moko ya corruption a signaler l'état avant au signaler soit ba preuve soit ba vidéo par exemple soit ba document par exemple soit ba photo par exemple auquel nango na l'état na bureau oyo contre la corruption au lakisi bango ke na moni mutu moko azo frauder sur ba taxe. Voilà, bah, élément, voilà, on a monique à zofrodé. Na, bah, tout moussou soit qu'un restaurant. A tali, bah, norme d'un restaurant, na Corée, il faut être en dégénie. Na côté, na restaurant, wana, na léki, na toilette, na léki, na cuisine, na bango, na monique, bah, zo respecter, bah, norme, ya propriété, ya restaurant, té. Aux yeux, bah, prévenu, soit qu'un an, l'État. L'État a vérifié. Elle a vérifié, monique, c'est vrai. Bah, yé, ko kanga moutouana. Yo, bah, ko pesa, yo, 10%. Il y a amende au moutouana qu'on fout à l'État, 10% ils allaient pas. Alors, vous voyez que, Mikolo, yo, na Corée, Moubiba, bah, gêne, nyons, na, bah, voiture, na, bango, bazali, na, recherche, y a, bah, infraction. Na, bah, recherche, y a, bah, corruption. Voilà comment encourager pour que corruption ait diminué dans le cannabis. Alors, ils allaient programme Moubiba, nous avons parlé avec, ces bureaux qui concernent Macamba Corruption. Bah, PCBISO va plan à Bango, comment est-ce qu'ils ont réussi à retirer la place. Donc, partager à mon Nakati, y a chaîne Nabiso, comment aboutir à programme wana anti-corruption. Bien que les alliés passent dans Bango Nabiso, mais il faut commencer par quelque chose. Et deuxième point, y a politique, les alliés népotisme. Népotisme, et l'inikoloba, batcheyo mokonzi quelque part. Autour na yo bazomona kaka bandeko na yo famille na yo ethnie na yo tribu na yo région na yo toboite soki ba tio mokonzi mutu moko akoki kozala batu mibale bakoki kozala ba proche na yo ya famille na yo ba camarade na yo ethnie na yo région na yo mais ezala te ke institution mobimba ezala toujours dominer na province na yo na ethnie na yo na tribu na yo. Tozali na 26 provinces. Et moi, les 26 provinces, on a de Robert, on a considéré la Kamouti. Moi, j'ai considéré les Congo, les Alliés na 11 provinces. Alors, les 11 provinces, ceux qui va nommer yo président, ceux qui va voter yo président, va nommer yo premier ministre, aux Alliés président à Sénat, président y a Parlement, ministre, PDG. Mais non, il faut penser na ba région mususu équilibre ezala. Ozwi ndambu ya ba ya province boye, ndamba province boye, ndamba province boye. Mais ceux qui ezali dominés par ethnie na yo, famille na yo, province na yo, tribu na yo, c'est ce qu'on appelle népotisme. Ezali mabe en réalité, ezali na catégorie ya ba corruption. Ezali eloko moko faut qu'on lutte contre yango. Yango tozomona mikolo yo na mboka na biso bato ebele bazali koloba tozali na tribalisme. Oui, tribalisme, népotisme ezali na ba famille wana ya tribalisme. Parce que na tango zo nomé kaka bato ya mboka na yo, bato ya province na yo, bato ya ethnie na yo, bato ya tribu na yo, ozali tribaliste. Alors, nous allons nous ranger na côté ya bato oyo bazali ko lutter contre tribalisme, na contre népotisme wana. C'est un droit pour un citoyen congolais nyonso ayeba bureau ya président banani bazakuna bazosala kuna bato na bawuti na province nini. Est-ce que ba province ezali équilibré, les 11 provinces ezali représentées d'une façon équitable ou bien ezali déséquilibré? C'est-à-dire que province na yo tozali na 11 provinces, tout le monde a par exemple les Kasaïens représentent 90% y a ba conseiller d'un président. Wana ezali népotisme. Bozwa yango na anglais ya mabete ezali népotisme. Ezali mabe. Alors, toko sala tout ko lité pona yango et ko pesa ba solution na chaîne na biso, comment faut-il ko lité contre népotisme wana, contre régionalisme wana. Alors, juste comme je parlais de régionalisme, ezali na même sens na népotisme. Et on peut remarquer que Kabila devient président, on bascule directement, langage à communication et longue français, dans ma place, Moussous est commis Swahili. Swahili est allé mon organisme. Et tu peux remarquer que même dans l'institution Moussous stratégique, par exemple, dans renseignement. Renseignement, qu'on a un langage, il y a une communication, il y a un code, il y a un code, il y a un langage. Mais, Kabila devient président, bah, langage wana eye okoma na Swahili. Swahili ezali mabete. Mais attention, pona ko tia langue moko peut-être ya code, ya institution stratégique loko la renseignement, bo tia yango na langue oyo ezali populaire na ba pays ebele. Le Swahili est parlé na ba pays mingi ya est ya continent na biso. Alors, ezali vraiment prudent ko swahiliser ba code. Il y a communication, il y a service, il y a renseignement. Ezali malamuti. Alors, tout le qui n'a point y a souka pour na volet politique, ezali banti-valère. Tu yebi très bien que Moutounion so a un souci à Zomsala. Moutounion so a un souci à Tanga, ce qui a Tangi à Silisi à Zomsala. Même où y a Tangi te, a un souci à Zomsala. Mais le problème d'Ozanango, ezali de placer une personne qu'il faut na place. Imaginez-vous, na Congo, bazoluka, un médecin inspecteur. Na Congo. Monsieur Yombi, Azana Moussalate, a quelqu'un postulé pour Azwa Moussalawana, na tanga médecine. Ba nomengai médecin inspecteur. Est-ce que na mérité place wana? Na mérité yangote? Donc, ezali na ba fonction mususu, il faut moto oyo a mérité esika wana, azala esika wana. Même na niveau ya premier ministre, même na niveau ya sénat, même na niveau ba PDG, ba ministre, président, tout le monde. Il faut qu'on y ba. Parce que cause à la président, cause à la premier ministre, cause à la président à sénat, cause à la président à parlement, ça demande un minimum de valeur, un minimum des atouts pour que Moutouana ou Azali qu'on représente Mbokanabiso à l'interne comme à l'externe, Azala capable de défendre Mbokanabiso. Il y a des réunions où il y a Batoubassalaka, le président Bassalaka. Ba conseiller Bazali, oui. Mais il y a des réunions pour mon président Mibale, Batikali, à huis clos, Bango Mibale. Au moment d'un groupe, nous sommes réunis le président à huis clos, pas de conseiller, pas de secrétaire. À huis clos, le président va kanginda, va kangi ba porte, bango nyonso, va conseiller bazade. Imaginez-vous que dans le monde où vous allez, il y a un monde, il y a bénéfice, il y a intérêt. Le pays marche pour n'a pas intérêt. Est-ce que réunion wana, va kam tozo ke loba, intérêt n'a bisou rosalani na réunion wana. Il faut na lobani ni pour n'arracher ben intérêt na bisou. Donc, le président, moutazo de présenter mboka, il faut azala moutou ou azali capable, parce que azali discussion, azali bitumba entre ma président. Bozo ou la un marché. Bozo ou la un projet. Bozo ou la développement. Bozo ou la bien-être ya peuple na bino. Alors, il faut président à la moutoumoko ou azali quand même na bagage minimum pour qu'elle permettre yé à faire face na ba président moussousso pour n'a quoi arracher l'intérêt général yamboka. Yamboko monaka. Une entreprise, par exemple, française, pays moko ba lobby, par exemple, Total, Toloba Congo Brazzaville, Total et Longwa Congo. Vous allez voir président ya France à Koyana Congo. Président de France ou bien Kobengi sa président congolais à Kenena France. Parce que intérêt, il y a France et Zali menacés. Alors maintenant, il faut discuter. Le président doit se défendre. Pourquoi la lingui Total est zalaté? Et le président français va se défendre. Pourquoi Total il faut zalakuna? Échange d'arguments. Mais ce que le président a capable de dire, oui, oh, yo, je vais voir Bissaye. Voilà donc, il faut tout le cas de personnes qui méritent. Ba place wana po bazala. Ezali nandenge ya critique te, mais quand vous voyez par exemple pléthorique ya ba conseiller ya président ya Congo, Félix, le président qui a la signature. Ceux qui votent les pléthoriques wana ba conseiller na ye, ce sont des gens qui ne méritent pas qu'on la conseiller. Parce que conseiller ya mboka, Azali a wana bozoma na photo na Ezali ba conseiller na ngai, groupe oyo nazalai ko travailler na bango. Alors, voilà. Donc, dans la Katikati, vous avez un conseiller Nangai, équipe Oyo, et ça là qui a 2014-2016, équipe pour la travail qui n'a pas moi. Voilà. Donc, conseiller, il faut baser expert. Conseiller, à Zab, vous pour Nagate, parce qu'à Zalaï, camarade Nayo, à Zaline, de Konayo tribal. Non, conseiller, engager à sur base de CV. À Sala Nini. À Sala na cabinet Nini. As an expérience nini, as an expertise nini, as an profession nini. Alors, comme ça, beaucoup engagés, on nomme les conseillers, on nomme pas conseiller. Bah, politicien, problème est zaté, bah, loin de copier qu'on s'est différé, problème est zaté. Mais, les conseillers, y a moins d'abord, on a qu'à moutonnion sur la fonction publique ou bien, la fonction oyo élective, y a toujours, bah, conseiller, il faut bazala. Parce que domaine nyonso conseiller qui fait ça là. Ce conseiller a zate ezali matata pour que un président, un directeur, un ministre a s'en sortir. Alors les conseillers là ezali ba fonction moko politique té, ezali ba fonction moko technique. Oyo bazali comme une expertise na bango ko ba conseiller. Mais bota la ba conseiller ya président ya Congo. Bazali comme mérité té, bazali expertise moko té na domaine oyo ba tcha bango ba conseiller. Voilà donc pour la volée politique. Na kosenga na technique, ba mika kochela biso moi générique pour que tout passe na volée académique. Rappel les ali que site na biso, les ali lancement lelo, les ali YouTube, Prof Yombi Vision, les ali place to banda ko kutana pour na ko échanger makambo etali mboka na biso développement mboka na biso. Et maintenant je me suis intégré, je me suis décidé pour que na tourner siko vers le Congo na même ma expertise na ngai, parce que nga moko na zolo ba pe mingi expertise. Alors c'est à partir ya chaîne oyo na banda ko lakisa na banda ko o même ma expertise na ngai pour na mboka na biso. Alors technique soki ezali prête, bâtir la biseau générique avant de passer dans point 2, il y a volet académique. À la technique. Prof Yombi Vision. Apporter notre expérience professionnelle pour un Congo désaverti. Point 1. Politique. Lutter contre la mauvaise gouvernance, la corruption, les népotismes, les antivaleurs et les régionalismes. Prof Yombi Vision, point 2, académique. Identifier les meilleurs étudiants pour de bourses d'études traduits en Asie. Inviter nos collègues professeurs pour de cours en ligne. Point 3, professionnel. Aider les ONG congolais à avoir un accès aux donateurs internationaux. Comment fonder une ONG? Comment et où solliciter un financement de projet? Point 4, formation. Identification et formation des défenseurs des droits de l'homme. Formation de 2 à 8 semaines en Corée du Sud ou en Thaïlande pour le moment. Prof Yombi Vision. Voilà, merci beaucoup technique. Et même la technique peut on voit comment est-ce que bande qu'on a vu sur Bazali expérience makasi et vous allez payer moi voler mon sous sous dans le Koya pour que bande qu'on y a sur Balingi ko koleka na visualité ya kitoko bande qu'on a vu sur Bakongole Bazali pour Bakongo salam salam. Voilà, donc Bazali toujours site na biso chaîne na biso. Il y a YouTube, Prof Yombi Vision, et si ka to zolobela, to manekolobela, pona makambo itali mboka na biso, développement ya mboka na biso, apport na biso pona Congo. Alors, point liboso, to utai kosi sango, pa itali volet politique, to bandako contribuye na sens nini, ba point nini, po to mema expérience na biso. To leke siko yo, na deuxième point, o itali académique. Comme Nazalinga moko enseignant na uta na Congo na tangi na Congo to soyo kapé ce qui se passe na point na niveau éducation na Congo na monique il faut aussi apporter expertise na ngai contribution na ngai en ce qui concerne éducation éducation mingi mingi académique et banda kala na uta ikoloba na introduction na ngai que Nazali professeur na ba université mibale na Corée et Nazali aussi na niveau ya Libanda na Canada mais na niveau ya Corée il y a une université nationale où Nazali cofondateur il y a département il y a ONG donc c'est-à-dire que formé na niveau ya master na niveau ya doctorat formé bah activiste il y a organisation non gouvernementale et mingi ezali na dévolé organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme et les organisations non gouvernementales de développement et d'ailleurs cette université ezali la première université réputée na Corée en ce qui concerne le développement les ONG de développement mingi développement rural et agriculture par exemple c'est l'université Oyo la faculté y a agronomie la faculté y a agriculture ezali la faculté la renommée hein, je peux dire à niveau y a Asie. Alors je pensais avec une organisation na gouvernorat de la ville y a province place université ezali j'ai conçu pour que tout ça la programme moko ya master na doctorat en ce qui concerne les organisations non gouvernementales tout former ba acteur ya développement ba acteur ya défense en droit de l'homme et les programmes là c'est qui conçu pour na ba asiatique na ba africain alors c'est là qui m'attend pour que na arraché bien que c'est là qui conception en aille pour que na niveau ya ministère ya éducation na arraché que le programme est à la paix impliqué pour na africain parce que le gouvernement a accepté que est à la pour na asiatique mais voilà le même voilà les asiatiques tu dans les africains au moins ba africain peut ba même besoin ba asiatique ba pays soit asiatique ba zanango le même besoin peut ba africain ba zanango pourquoi ne pas inclure l'Afrique alors il y a un problème maintenant il y a ba étude ay kokota ministère le bon pour na ba africain et ça passe parce que programme ezali na master na doctorat alors le prérequis na bango c'est-à-dire que na niveau ya licence étudiant africain mingi diplôme na bango tout le temps. Je n'en disconvenais pas parce que en réalité Corée est allée victime pe na bango comme sous ce bande ko mingi ba africain ba congolais mingi te bande ko mingi ba africain ba yaka na ba faux diplôme. Au moment où nous sommes en diplôme, il y a licence, il y a un diplôme, il y a un master, il y a un diplôme. Mais si on a dit que l'université est à Tangakounati. Alors, nous avons parmi l'équipe au ministère de l'éducation à Corée, qui est en Afrique, pour vérifier le diplôme, il y a un étudiant. J'ai remarqué, il y a un diplôme qui est en Afrique. Il y a un diplôme qui est en Yaoundé. Dans Yaoundé, dans Komaboye, dans l'hôtel, j'ai demandé. Est-ce que, bon, juste pour tenter, ce qui m'a diplôme en Ezali Mabé, j'ai tenté de dire, est-ce que nous avons un diplôme, il y a un master? Bimbo, on a eu combien? On a un master, on a 300 dollars. On a une licence, on a 200 dollars. Bimbo, ce qui m'a payé, on a besoin de quoi? Non, on a besoin de juste l'obinaton Gozan. J'ai demandé, est-ce que nous avons un passeport camerounais? Oui. Qu'est-ce qu'il faut? On a 300 dollars. On a payé 300 dollars. Pour un passeport, on a payé ça 200 dollars pour un diplôme et un master, pardon, il y a licence, on a payé ça 200 dollars pour un diplôme et un master. Mais le quoi, on a dit, c'est Yélangaï na Tongo. J'ai donné ça vers 10 heures. Le lendemain, na Tongo vers 8 heures, bah, yéling à la chambre d'hôtel, diplôme, bah, deux diplômes, na passeport. Donc, c'est pour montrer que, bah, tu es belé, bah, je vois qu'on a dit, qu'on t'a acquis à son diplôme, à qu'on peut présenter quelque part. Et vérification, ils ont un boulot déjà moutabani gotamba. Alors, et Bazalaki n'a raison pour que Babou ait volé l'Afrique, mais avec des arguments qu'on a donnés. Par exemple, les étudiants congolais dans Boka Corée, Bazalaki n'a réputation malam. La plupart des étudiants congolais qui viennent à Corée, Batanga malam et Mingi Mingi, Bazouaka avec excellence. Donc, on a une part à nous féliciter. Bisomoko, bravo pour la Bisomoko, pour la Bana Bisom. Alors, je fais créer un département où on est à ONG. Un département où on a toujours qu'à chaque année académique, toujours qu'à 30 étudiants. 15 asiatiques, 15 africains. Chaque année. N'gamoro na tangisa akuna, na tangisa ka cours ya droit de l'homme, na tangisa ka cours ya relations internationales, Natangi sa rapport, il y a risk management. Donc, risk management, c'est-à-dire, risque pour la défense, la défense et la droit de l'homme. Quand vous travaillez dans des pays hostiles, le Congo, le pays mini en Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, comment est-ce qu'un défenseur de droit, voilà. Vous avez une photo, Anna, et Zali photo, elle n'a aucune formation, il y a master, il y a étudiant, Anna. Anna, vous avez une étudiante thaïlandaise et puis une étudiante indienne. Na outi aussi sa cour, baso pesanga baso mi cadeau pour na professeur. Voilà, elle na suit cadeau, na lingaki na pesa cadeau na mousso son me baboy. Non, eza cadeau pour na yo, to sangisi mbongo, formation na yo, eza li malamu, yamoto son mi cadeau pour na yo. Voilà, donc, ba étudiant na bayaka, bazali na bourse, ya 2000 dollars par mois, pardon, oui, 2000 dollars par mois, bako vendre na dortoir, bakolia na dortoir mais mingi ba étudiant africain ba lia kana dortoir ti parce que biloko ba coréen mingi ba sepela kana ngoti wana bozomo na ezali biso na kati ya salle de cours wana ezali na niveau ya master voilà ezali na niveau ya master na université mosusu et donc ba étudiant mingi africain ba linga kolia na restaurant et pona biloko ba coréen ba lamba ka bango alors donc 2000 dollars par mois l'équivalent de 2000 dollars par mois, vous allez dans le dortoir, aux Olala, bibliothèque, nous sommes à livrer, ils allaient gratuits. Mais le problème, c'est pour nous, Congolais, mingi, depuis le programme a commencé, tous les Congolais, kakamoko. Pourquoi? Et là, que vous m'avez dit, Congolais, pas dans la vie, ils allaient anglais. Parce que pour venir là, le programme là, ils allaient 100% en anglais. Ils allaient en coréen, ils allaient en français, 100% en anglais. Il faut aussi la recherche en anglais. Il faut aussi la thèse, ou comme la thèse en anglais. Alors, l'anglais qu'on exige, il faut aussi là, dans le niveau, il y a avancé. Et, la score, par exemple, il faut aussi la 7, 7, 7. Donc, 7 à l'écoute, 7 à l'oral, 7 à l'audition, 7 à parler. Donc, plus de 7, tu peux admettre. Alors, et donc voilà pas congolais parce que bazar n'a pas mis qui bazar a testé ou a des résultats testé ou a des anglais dit au coup il y a un programme là yo anglais académique ok na ambassade y a États-Unis na ambassade y a Grande-Bretagne na ambassade y a Australie pour aussi la tester na yo anglais donc ça c'est la condition. Même on lance appel dans un besoin, dans une bourse pour la connexion à Congolais, et loco, ils ont cassé ma Congolais, mingi, ils allaient anglais. Désolé, parce que pays tous allaient, on accepte enseignement, ils allaient na coréen, ou bien enseignement, ils allaient na anglais, langue de société. Alors, Oyo, Amonique, habilité, ils allaient malamo, pour la capisso, la chaîne, la biso, pour que tu vas nous compter cette information sur ma bourse ou un étudiant. Alors, ben, étudiant, Oyo, bazo, il y a. Dans ces programmes, dans un programme, il y a stage. L'étudiant va quitter toujours 4 mois, il y a stage. Il y a un pays où il y a un stage. Il y a un stage. Il y a un Japon, il y a un stage. Il y a un Thaïlande. Il y a un Taïwan. Il y a un Singapour. Il y a un stage. Il y a un stage aussi des pays. Même si ma place va se faire un stage, il y a un stage. Il y a un stage. Il y a un stage. Il y a un stage. Et sur les bases de ces programmes, surtout au master, au doctorat, sur les bases de ces lancés d'enseignement, on va toujours pour l'année. Mais au master, sur les bases de ces, nous sommes d'accord parce que là, à part ma thèse, au master, les étudiants doivent rédiger un projet de développement d'avant-goût, soit dans le final, la pointe, il y a trois dedans, soit dans la pointe, il y a développement, par exemple, il y a développement de ce. Les alliés, c'est-à-dire que obligatoire. Donc, à part des il faut projet, il y a développement, il faut accompagner, il faut soutenir, dans le cas, il faut implanter l'organisation, il faut réaliser. Je suis flatté, il y a un moment, par exemple, il y a une étudiante, Oazali Burkinabé, Azali Peskona Live, Azola Gabiso, bien dans les médicaments, il y a dans la toujours. Cette étudiante a négocié ça avec distinction, master naïe, il y a déjà 2 ans. Et projet naïe à développement pour accompagner Kiyambo a implanté en Ola Burkina Faso. Elle s'est occupée de la lutte contre la violence conjugale. Alors, nous sommes très contents de contacter avec l'UNE dans le Burkina Faso. Donc, organisation est comme partenaire et publique dans mon cas de la façon. Je évolue très bien et avant de rentrer, on connecte ces étudiants avec les projets de la bâtonnade. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont déjà un bâton pour l'ouverture de l'organisation. Voilà donc le niveau académique. Pour nous, ce sont des alliés. Il y a ma cours en ligne. Je parle avec beaucoup de collègues, professeurs, pour m'aligner, pour pas accompagner, mais sur la carte de site, pour nous, tout le monde a compris ma cours en ligne, ma cours bien sauté, vous allez chaque jour, peut-être, tout programme. Par exemple, tout le monde va le mois prochain, pendant un mois, tout le monde ma professeure, n'a pas cours pour n'a pas cours pour n'a pas cours pour et même, on va animer, beaucoup animer, à niveau courrier, parce que pour moi, il y a langue. Minima professeur, ma collègue, ma anglais, ma coréen. Alors, il y a 3 professeurs, ma collègue au Canada, Bandimi, parce qu'il parle français, Bandimi m'a accompagné, Bissou. Et ma professeure, on a 2 années, Namoko, originaire, il y a Sénégal, qui est devenu canadien, et 2 années, là-bas, canadien, Bissou, je suis allé, on va animer déjà, on continue toujours, pour la consulter, ma collègue, et par la suite, on va pour le bas, ma collègue, à quel niveau, on va d'une façon bien unique. Voilà donc les Prof Yombi Vision. Apporter notre expérience professionnelle pour un Congo désaverti. Point 1. Politique. Lutter contre la mauvaise gouvernance, la corruption, les népotismes, les antivaleurs et les régionalismes. Prof Yombi Vision. Point 2. Académique. Identifier les meilleurs étudiants pour de bourses d'études traduits en Asie. Inviter nos collègues professeurs pour de cours en ligne. Point 3. Professionnel. Aider les ONG congolais à avoir un accès aux donateurs internationaux. Comment fonder une ONG? comment et où solliciter un financement de projet. Point 4, formation. Identification et formation des défenseurs de droits de l'homme. Formation de 2 à 8 semaines en Corée du Sud ou en Thaïlande pour le moment. Prof Yombi Vision. Oui. Prof Yombi Vision. Apporter notre expérience professionnelle pour un Congo désaverti. Point 1. Politique. Lutter contre la mauvaise gouvernance, la corruption, les népotismes, les antivaleurs et les régionalismes. Prof Yombi Vision. Point 2. Académique. Identifier les meilleurs étudiants pour de bourses d'études traduits en Asie. Inviter nos collègues professeurs pour de cours en ligne. Point 3. Professionnel. Aider les ONG congolais à avoir un accès aux donateurs internationaux. Comment fonder une ONG? Comment et où solliciter un financement de projet? Point 4. Formation. Identification et formation des défenseurs de droits de l'homme. Formation de 2 à 8 semaines en Corée du Sud ou en Thaïlande pour le moment. Prof Yombi Vision. Oui, merci beaucoup Technique. Désolé parce que Technique a été signalé puisque il y a quelques minutes passées sont les arrêts qui m'ont ramouté. Naïbité Technique, est-ce que vous pouvez nous signaler par message que si quoi sans ça va Technique s'il vous plaît, vous signalez biso ce qui sans ça va. OK, merci beaucoup Technique. Merci. Donc je disais parce que ce sont les bébés qui n'ont volé académique Nasuka, je disais que nous nous sommes organisés avec quelques professeurs pour que Bayako apporte aide Nabango et Panabiso pour Nabakour en ligne. Je disais que Tozali, pour le moment, il y a un professeur qui a accepté au niveau de la Corée, parce que le problème, c'est le problème des langues. La Corée, on parle anglais, on parle français. Non, on parle coréen. Mais il y a deux professeurs Oyo. Trois professeurs plutôt, au niveau Canada, Oyo Bandimi, pour aider Bisso pour avoir cours en ligne. Donc, tu vas découper sa programme, par exemple, le mois prochain, par exemple, tu vas avoir cours en ligne, tu vas découper sa cours, tu vas découper sa combat professeur, tu vas cours, tu vas découper sa Bisso et pendant combien de temps. Donc, on est là qui juste pour un point académique volé à Souka, cours en ligne. Voilà. Donc, tous les qui, si qu'il y en a troisième point, il y a adresse Nabisso, où ils allient à niveau professionnel. Et, à niveau professionnel, tous allient à trois points, où ils allient, bah, ONG, financement à Bango, encadrement à Bango. Et, tout en disant qu'à niveau université, dans master, tout en disant qu'à introduction, non, à niveau, il y a licence, introduction à ONG, na niveau ya master tout en gisaka ba application nyonso ba formation ya ba ONG et nous avons remarqué que na ba ONG mingi problème bazan nango ezali problème ya visibilité problème de formation ya ONG. ONG ezali organisation non gouvernementale. Pourquoi ba ONG ezalaka formée? Et il y a de ces dans mboka na biso na Afrique surtout moto alali ala moki asali ONG yemoko na mwasi na ye na bala na ye. Non, ONG ezali pona nini? ONG ebima parce que on a remarqué que l'état o azali supposé kobongisa bien-être ya batu na mboka na ye, souvent l'état azali ko faillir na mission na ye. Na lobite l'état complet kaka l'état na mboka nyonso na mort. Il y a toujours des problèmes. Oyo bazali ko remplir pesa pa mission na bangote. Alors, batusikoyo se réunissent selon ba vision na bango, selon objectif na bango. Balobi par exemple, to vandi na mboka X. Na mboka wana pourquoi tozali ba toilette ezali te? Pourquoi l'État azo tonga ba toilette te? Alors, est-ce que tokozela l'État ti aya a nettoyer mboka na biso, a sa il a biso ba toilette? Non, a royal lelo te. L'État peut-être azali occupé na makambo mosusu. Alors, bato ba s'organiser. Balobi par exemple propriété na mboka na biso. Bato ba s'organiser, but na bango ezali mboka na bango comme ville na bango, village na bango comme propre. Ba s'organiser na groupe. Yako contribuer apport na bango na développement ya mboka na bango. Donc, ezali une organisation, ezali pardon, dirigée par l'État te, ezali une organisation privée, mais privée ya mutu moko te. Alors, ba s'organiser na groupe ya ba action ya ndengona, ezali une organisation non gouvernementale. Alors, na organisation non gouvernementale, il n'y a pas un chef éternel. Pour organisation, les alamalam, présidence, leadership, il faut les ala à tour des rôles. Sauf so, pour une organisation, chef, nango, fondateur, nango, trésorier, financier, nous sommes moi, naye, moi, si naye, wane ezali, organisation non gouvernementale, ezali, une organisation familiale. Alors, bah, organisation mingi, bah, il y a un problème de formation, comme je l'ai dit. Na niveau ya Corée, dosali na une organisation ya droit de l'homme qui s'occupe na université na biso o na utikotanga qui s'occupe na formation ya ba défenseur ya droit de l'homme ba de ba opérateur ya ba organisation non gouvernementale. To bengaka bango ba yaka na mboka Corée pona training pona formation. Il y a 2 semaines, ça dépend. Il y a niveau, il y a connaissance, il y a ONG, il y a Batouane, ou bien il y a 8 semaines. Alors, ceux qui baillent, on paye, pardon, on paye les tickets pour Nabango, bah, dortoir, les allées pour Nabango, mais on ne paye pas. Tu fous ta Nabango, t'es que non, il faut aller à Nabango. Alors, durant formation, il y a 2 semaines, bien 8 semaines, ceux qui osent aller que ça, la présentation sur organisation, Yambo Kanayo, là on paye per diem Zalaka, souvent ce que ça les présentations il y a deux il y a, y a non il y a 30 minutes aux alina 200 dollars. Alors ça dépend il y a courage na yo chaque jour ça aux alina présenter autant de 200 dollars au besoin. Et ma organisation mingi non gouvernementale basée na problème ya financement. Comme na outa ekoloba na introduction, organisation internationale que je dirigeais, na outa qui en avec 20 000 dollars. La tique en moi avec 2 342 000 dollars. Donc, tu as une expérience. Il y a financement, il y a pas organisation. Et même au niveau pays à Corée, l'organisation dans le Bafor, la défenseur et à droit de l'homme, ils ont une volée. Il y a mérite, il y a pas prix. Prix Nobel, mais prix. Il y a pas organisé, il y a pas acteur, ou pas actif. Par exemple, pour mon ami docteur Mukwege, Ayaki, voilà, photo en les années juste avec les parlements taïwanais. Voilà, donc, par exemple, docteur Mukwege, nous l'avons fait donner le prix d'excellence dans Mboka Kouré, à Joaki Mbongo en espèces 500 000 dollars, et puis à Joaki 7 tonnes y a matériel médical. Donc, nous nous sommes engagés, tout à l'heure, pour plutôt ébélé, dans beaucoup de Corée, quoi, il y a que non, bah, matériel, nous sommes installés dans la caté. Dans beaucoup de Nabino, ce qui beaucoup de Corée, qu'on paie sa bisou. Alors, photo, monsieur, c'est allé à Wadé, à la prochaine technique, à couper à connaître sa bisou, à Wadé, et tout bien, qui docteur Mukwege, Ayaki, dans beaucoup de Corée, à Zouaki Priwana. Et tout à l'heure, qu'on paie sa Priwana, na, activiste moko ya droit de l'homme, azali musicien, azali burkinabé, ya ballet national. Batu mingi o basala ka ni kama droit de l'homme ya ni ballet national wana. Boyi ba activiste na bango ba kanga bango à l'époque Kabila na aéroport. Ba yaki po ba aider batu lokola Rossi Chimanga na era ba trouble wana. Ba activiste o ba utaki Burkina Faso, ba kendaki na Kinshasa, mais ba kanga ki bango na aéroport boyi histoire. Alors, le chef de ces activistes l'Itaki, et d'ailleurs, je suis toujours Jiri Yabapriwana Mibale, il y a Séoul, il y a Gwangju, Naza, juriste, pardon que je dis moi, j'ai membre de la jury, pour que Topé ça va priwa. Topé ça qu'à chaque année, priwa na activiste moko na mort. Moko na substitut moko. Donc, moko a joué à prix le pola 100 000 dollars et à moutoua la dans la deuxième position, 50 000 dollars, n'a pas cadeau moussous, sous qui a yépé d'un projet, va financer un projet. Alors, les garçons là, le Burkinabé, est venu en Corée, a joué qui paye prix naïf. Et malheureusement, année où Priwana et Kéi, malheureusement, parce que c'est un activiste, et Kéi na Moutoumoro ya Cambodia, yende Moutouazu yango. Souci n'a pas que l'année prochaine, ils ont un Congolais à jouer. Tozali Kotalamouké, peut-être candidature, par exemple, il y a aussi Moukéni, parce qu'en temps, Priwana pe na ba famille, il y a l'activiste au Bamboma, dans le monde, tout pèse à Priwana. Peut-être imaginer que tu déposes candidature pour Rossi Mukendi ou bien Kapangala, ou bien Bato Moussoussou, ou bien Chebeya, ça me venait toujours en tête. Et d'ailleurs, pour nous rappeler ça, Priwana, dans Docteur Mukwege, j'avais déposé la candidature de Mukwege, j'ai déposé la candidature de la famille de Chebeya. Alors, après délibération, ils ont jugé bon de donner ça d'abord à Docteur Mukwege. Voilà. Donc, financement et pour ça toujours problème. ONG Bélé, éviter WAPI, quelle sorte de demande de financement, na projet Nini, et organisation Mingi va déposer toujours comme ça, demande. Mais non, donateur, Zali toujours dans la catégorie. Et ça, donateur, financer un projet de développement, par exemple, agricole, donateur, financer un projet de défense, il y a droit de l'homme, pour l'enseignement, donc, et ça, varier dans la catégorie. Alors, maintenant, nous allons encadrer ONG Namiso. Comment faut-il que comment demande, il y a financement, ou puis il faut qu'on dépose un mot, exigence, il y a organisation, il y a donateur, et ça, et Bazali Wapi. Voilà. Donc, comme ma expérience Nabissoana, pour que Bandeko Nabisso, Bazala visible, même au niveau de l'ONU, notre présence est aidée par ONG et Yakoubo pour que Bazala Mingi dans la session des Nations Unies. Et ça m'alarme. Parce que si vous m'avez, par exemple, dans HR, dans Genève, chaque année au mois de mai, moi, au moyen exact au cours de la coronavirus, je dirige toujours l'équipe Yaba ONG Yazi na Pacifique. Donc, ma pays nous sommes Yazi, ma pays Pacifique, Australie, na Nouvelle-Zélande, na Papouasie. Alors, chaque année, je dirige cette équipe Yaba ONG wana, na niveau il y a consultation avec les hauts commissaires pour les réfugiés. Alors, na niveau il y a ONU, sous New York, les alliés pour la ONG ou les alliés s'occuper na sécurité ou basali ko s'occuper na migration bakutanaka na AEM na Genève souvent bakenaka na New York. Donc visibilité il y a ba ONG congolais, il faut être présent parce que ba voix est la paix et on se retrouve souvent au monde un deux congolais na katasal, un deux congolais na katasal. Alors on remarque que ba ONG on appelle ba Congolais na carte sale, et ça ba ONG ou ba zo opéré na ba mboka na Congo, soit en Amérique, soit en Europe, soit en Asie. Moi, j'ai conduit une équipe, une forte équipe, il y a délégation, il y a Asie et la Pacifique, mais ba ONG wana les années, ils ont opéré en Afrique, ils ont opéré na Congo, ils ont opéré na Asie, na Pacifique. Alors, pourquoi ne pas avoir ba ONG ou yo les années opéré na Congo, ba ça la représenter aussi na niveau ya ONU. Et naïbit que ba choix ya ba tout pour représenter mingi mingi discrimination dans la kata chef yé moko mota okendete souvent moko yoko tinda par exemple manager ya projet na ONG na bino soit financier na bino soit moto ki atara na développement na bino et ça kate chaque fois on a kaka chef ba tout mousous na sima bazar ce qui chef te na sima na yé moi si na yé ce qui moi si na yé te na sima na yé moi na yé donc népotisme na ONG népotisme ça va l'amener voilà donc pour le cadre et le financement, Tokéi, dans la formation, il y a pas ONG. Donc, la formation, nous allons toujours suivi, encadré, dans le Mboka Corée. Et, Mingi Totindaka, Toyokani, dans l'université université na organisation oya Koré, et puis une organisation na université na mboka Thaïlande. Na mboka Thaïlande na Bangkok, tozali na ba collaborateurs na biso qui ont accepté pour que ba aider biso na projet na biso tozana. Donc vous allez remarquer que vision prof Yombi vision oyo ezali quelque chose il y a ba groupe politique T. Hein? C'est pas une chaîne de partisans. Tozali awa koloba po na mboka na biso. Même si Tolingi Félix c'était, mais il y a de certaines histoires, il y a de certains points, plutôt, il faut to aider mboka na biso même na musika ko connecter na bato baza pembeni kuna pour que to même ma contribution na biso. Ce qui makamba politique est yé, bon voilà, on peut parler aussi politique. Et là maintenant, na kopi na nzoto na ngai, y a agent, y a développement. Na okota siko na nzoto y a agent politique. Voilà siko to kopé sa ba couleur politique, s'il faut qu'on défendre loko, to défendre. Mais pour le moment, to zali na na couleur y a Congo en général. Du bokemoko pour que tout mega comme ma contribution na biso. Na yebi ki yora des amis qui vont dire mes contributions na bokani na régime ni nouveau ya Félix. Non, peuple congolais akotika la libela, Félix va passer, Kabila va passer. Alors peuple congolais akotika la, Congo akotika la. Et ce qui t'a formé ba jeune congolais na biso lelo, ezali po ba aider régime ya Félix T, ba aider régime ya Félix Kakate. Pas qu'on aide Congo en général. Régime à Félix et Koleka, peut-être lobby et voya régime, yande konabiso moko azana Kivu, peut-être yande konabiso moko azana Congo central, na Bandundu, na Katanga, na province orientale, na Équateur, na Kinshasa. Donc, contribution na biso ezali pour la continuité. Tout même apport na biso na développement ya mboka na biso. Donc mboka o ezangi droit de l'homme ezali mboka malamu te. Mboka o ezangi bactéries ya droit de l'homme ezali mboka malamu te. Mboka o ezangi bactéries ya développement ezali mboka malamu te. Voilà comment nous avons conçu vision oyo la chaîne oyo pour que tout même contribution na biso parce que elle moko pe ba reproche et qui me dit ah yo lo baka toujours ah naoni o sala boyo pona Congo sala ni. Voilà maintenant na tourné vers le Congo et na komona ba opposanté pour ba s'opposer na eloko to sala botika makambo ba standing point on out dey koloba ke o talelanga na lunette par exemple ya panou o talelanga na lunette ya IDPS parce que so la ti lunette ya panou o la ti lunette ya IDPS o comprendre te makambo na zone ba alors totala na lunette ya Congo au lati lunette à Congo, botalingai, vous allez remarquer que tokoya, tozoya, to même ma contribution na biso na mboka na biso. Et makambu ya ba formation support par exemple Minerval, tozo sola nango pour que ba organisation mususu ba donateur ba aider biso, to banda ko sélectionner ba bana na biso, école secondaire ou bien école primaire, ou bien université, to koyiko pona 10 par province moko moko. Par exemple, 11, ma province de Nyonsoakala, to supporter Minerval na bango soit pendant une année, soit pendant trimestre. Et comme ça, tout le temps, il y a quoi avancer. Voilà donc, na makambo Nyonso na outil Koloba. Nyonso ezali gratuit. Moutou mokote aya koye bisabino, pona kozwa bourse, pas prof Yombi, la camarade de prof Yombi, la Facebook. On s'est présenté qu'il y a une affaire sur la camarade d'ailleurs réelle, pose à bourse na Corée, na Saudi Arabie, na Yomi, pesa $1,000, pesa bouye pour na sur la bourse, pesa bouye pour ça, non, nyonso ezali gratuit. Ce que moni moutoye a sengi yo mbongo, pardon ko pesa yangote, nyonso na lobi ezali gratuit. Et lo kon azan ango besoin, les alliés mitou ya bana na biso o ba oya ya ba ndeko na biso o ba ko bénéficier na ba aide oyo na zali koloba les alliés makamba mbongo te mutu moko asenga mutu mbongo te. Je pense que toyokani wana les alliés suka na biso pona lelo mais to banda ko ya eloko na zo senga na bino pardon pour s'abonner na chaîne na biso parce que ceux qui vont s'abonner te ekozala inutile to continue yango alors wana tokotikala kaka na Facebook. Or Facebook ezali vraiment support moko soupape de sécurité ezali. Donc bokoki koperdre badone biloko ezali malamu po bandeko mosusu ezali bien sauvegarde bandeko mosusu bakoki kolanda bakoki kobénéficie nango. Donc bosabone ezali facile ndenge bozolanda biso bandeko mosusu batia yango na Facebook, donc oleki na YouTube, okomi prof professeur de prof en abrégé prof Yombi Vision, prof Yombi Vision. Alors okomona na couleur rouge, je pense c'est bimaka okomona place ya kosabone, oklike kaka osabone. E ka mosusu bato balobaki nalobaki yango na depuis non yo komi na YouTube, donc okoti pe na makambo ya bambongo. Non, YouTube basala yango mpo bato bazwaka mbongo te. YouTube basala yango mpo bato base communiquer pour que les sociales ezala facilité. Alors tellement que YouTube akoti makambo ya publicité po azwa mbongo na ye, e ye pe amekaka mpe po récompenser bato oyo bazali kosala mosala na YouTube. Alors pour na biso mbongo wana kozala ya biso te, même bapesi 1 euro, 1 dollar, tokopona nde na uti koloba bana na biso bazali na Congo, on peut se dire bon mbongo YouTube akopesa biso tokoki kofutela mwana Minerva ata semestre moko na Congo. Je pense un 200 dollars ya YouTube ça peut payer le Minerva ya mwana moko na université na biso na Congo. Donc prof Yombi akoki koya jamais pour na YouTube pour azwa mbongo, jamais jamais. Alors donc na ye po na utiliser outil oyo ya YouTube pour que tomeka ko aider bana na biso. Alors soki bo s'abonne mingi e ko aider biso pour que bato nyonso ba yuka message na bango, message na biso plutôt, et ezala ba takte a nyonso lo baka ka osala na outil nyonso lo baka osala na ko répond na ko osala ni voilà channel, donc canal oyo tokoki ko communiquer et loko ni to linko sala po bato ba yuka e ba ya ko postuler soki ba kopi ko zo ba aide na biso wana. Donc merci beaucoup, merci mingi na technique na biso, merci biso mingi na ndenge bolandi biso, pardon encore, bo s'abonner na YouTube na biso prof Yombi Vision, bo s'abonner et to bana kokuta na awa à tout moment, to bana kokuta na toujours. Et protégez-vous pendant le confinement ou bien pendant le coronavirus. Vous allez toujours safe et vous coûtez prochainement. Donc, au début, vous allez peut-être deux fois par semaine pour vous allez capter ce que vous allez sur Facebook et vous allez YouTube. Alors, vous êtes connecté toujours. Abonnez-vous. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Donc, avec notre vision, nous pensons que nous allons contribuer comme un apport Nabiso pour Mboka Nabiso. Voilà. Botika Lamalo. Bye bye. Technique. Prof Yombi Vision. Apporter notre expérience professionnelle pour un Congo désaverti. Point 1. Politique. Lutter contre la mauvaise gouvernance, la corruption, les népotismes, les antivaleurs et les régionalismes. Prof Yombi Vision. Point 2. Académique. Identifier les meilleurs étudiants pour de bourses d'études traduits en Asie. Inviter nos collègues professeurs pour de cours en ligne. Point 3. Professionnel. Prof Yombi Vision. Apporter notre expérience professionnelle pour un Congo désaverti. Point 1. Politique. Lutter contre la mauvaise gouvernance, la corruption.